Comment nourrir plus de 7 milliards d'humains? Voilà une question qui risque d'être l'un des plus grands défis du XXIe siècle, tant il est évident que les choses ne peuvent plus et ne doivent plus continuer sur ce rythme. Alan nous a déjà exposé les données du problème lors du dernier podcast. Aujourd'hui, pour la deuxième partie de son dossier, ce sont certaines solutions envisageables pour redresser la pente qu'il a l'intention de nous présenter. Nous sommes le mercredi 28 mars 2012 et vous écoutez l'épisode 79 de Podcast Science alors qu'il y a OM Bayern de Munich à la télé. Bienvenue! Amis de la science, bonsoir. C'est Marc, Marco pour les intimes, qui vous ouvre les portes du plus grand podcast science franco-suisse de la planète ce soir. Donc nous sommes un peu plus nombreux ce soir que la semaine dernière, puisque je suis avec Hélène. Salut Hélène. Salut. Et puis bien sûr il y a le Zinedine Zidane du podcast, Alan. Je sens que ça va ressembler à un commentaire sportif du début à la fin. Salut Marco. Ça va, bah, c'est un soir un peu spécial pour nous les Marseillais ce soir. Donc, ouais, je vois, qui c'est qui joue, t'as dit? Bah, c'est Marseille, bien sûr. Marseille contre qui? Contre Bayern de Munich, les tombeurs des Suisses de Bâle. Ah, si tu le dis. Bon, puis t'es quand même avec nous, alors ça je trouve admirable. Oui. Ouais, bah, merci. J'ai pas pu être là la semaine dernière, donc bon. Voilà, donc ben, comme je le disais en ouverture, tu vas nous présenter la suite de ton dossier, Alan. Donc aujourd'hui, exactement, ça va porter sur les solutions qu'on envisage. Ouais, c'est ça. Donc en fait, la semaine dernière, on a dressé un constat un peu accablant de la réalité alimentaire d'aujourd'hui et des défis de demain. Donc en résumé, tout le monde n'est pas nourri à sa faim alors que la demande va croissant et que les filières sont déjà saturées. On a vu les limites de l'expansion et de l'intensification sous l'angle de leur impact environnemental. Et puis on sait que l'augmentation du niveau de vie dans les pays en forte croissance, c'est-à-dire la Chine, l'Inde, le Brésil notamment, s'accompagne d'une transition alimentaire qui implique d'élever encore plus d'animaux alors que les calories animales sont terriblement demandeuses en termes d'énergie, d'eau et ont un impact environnemental super important. Alors, quelles sont les solutions? Bah, c'est ce qu'on va tenter de voir ce soir. Donc, on va rapidement survoler l'entomophagie pour commencer. Ça nous a été suggéré par Pierre Kerner. Vous savez ce que c'est l'entomophagie? Entomo, c'est avec les insectes. Ouais. Phagie, c'est manger. Donc, voilà. Bah, manger des insectes. Eh ben ouais, c'est exactement ça. Ensuite, on examinera le bio, la piste qui est généralement présentée comme alternative saine et durable à l'agriculture intensive. On parlera un petit peu d'agriculture intégrée aussi, et puis finalement on s'étendra sur les solutions que proposent les scientifiques à travers une étude publiée en octobre dernier dans la revue Science. Et on verra que pour venir à bout d'un problème complexe, on ne peut pas se contenter de solutions à l'emporte-pièce. Je me rends compte en parlant que j'ai oublié de publier mon dossier pour ceux qui voudraient le suivre en live. Et voir les différentes illustrations. Si l'un d'entre vous a envie de s'en charger, c'est très sympa. Ouais, cool, pas de soucis, on va corriger ça. Ouais. Top. Alors, on va commencer avec l'entomophagie. Donc, moi, je vous avouerai que quand Pierre a suggéré cette approche, accompagnée comme il se doit d'un livre de recettes, bon, quand on est strange et funky, on a une réputation à tenir, je me suis dit que j'en toucherais un mot dans le dossier sous forme de clin d'œil. Sauf que, après avoir lu l'article qu'il a indiqué dans son commentaire, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens très sérieux qui prenaient cette piste très au sérieux. Le papier en question, il y a le lien donc dans le dossier qui sera disponible dans un instant sur le site web, podcastscience.fm. C'est une question de seconde. Ouais, magnifique. C'est une présentation des travaux de plusieurs équipes de l'université de Wageningen aux Pays-Bas qui bossent sur cette approche. Donc je vous ai choisi quelques extraits du papier. Pour commencer, on nous dit donc qu'environ 80% de la population mondiale mange des insectes. Sous les tropiques en particulier, ils font partie du régime ordinaire. Les insectes sont même considérés comme des gâteries, pas juste comme des substituts, car on ne trouverait rien d'autre à manger. Les chenilles et les sauterelles sont populaires en Afrique. Les guêpes sont une délicatesse au Japon. Les criquets se mangent en Thaïlande. Et en Chine, on ne recule même pas devant le scorpion, proche cousin des insectes. Les experts indiquent que les insectes ne sont pas juste succulents, leur élevage est bien plus durable que celui du bétail à tous les niveaux. Les quantités d'eau nécessaires à leur production, par exemple, sont ridicules à côté de ce qu'il faut pour produire 1 kg de viande de bœuf. Il n'y a pas besoin d'antibiotiques, les insectes ne sont pas porteurs de maladies transmissibles à l'espèce humaine, et leur croissance est super efficace. Puis effectivement, l'article indique qu'ils aiment, donc les insectes aiment, entre guillemets, vivre dans le noir les uns sur les autres, et que du fait de leur sang-froid, ils convertissent 60% de ce qu'ils ingèrent en masse corporelle. Donc il n'y a pas de déperdition de chaleur. Pour le bœuf, par exemple, c'est 13% seulement. Donc il y a une débauche d'énergie absolument formidable chez les animaux à sang chaud par rapport aux insectes. Et les insectes présentent un intérêt nutritionnel élevé. Il constitue une riche source de protéines, d'acides gras sains et de vitamines et minéraux importants. Okay, avec 100 grammes de viande d'insecte, un adulte a couvert la totalité de ses besoins journaliers en protéines, en fer et en vitamine B. Et l'article nous dit encore que seuls les régimes alimentaires occidentaux, donc les nôtres, quoi, excluent totalement les insectes. Enfin, ça, c'est évidemment si on fait abstraction du quart de kilo qu'on bouffe chaque année sans le remarquer, dans le beurre de cacahuète, les légumes mal lavés, les soupes en berlingot ou encore les colorants roses à base de cochenille. C'est Ce bourré qu'on d'insectes, tout ça. avale en dormant aussi. Ouais, si tu dors la bouche Ouais. ouverte. Je sais plus, j'avais lu une étude qui disait que dans une année, on avalait je sais plus combien d'araignées, de mouches, pendant notre sommeil, quoi. Ah ouais, super. Je sais pas si je vais bien dormir. Ouais, c'est le genre de choses qui m'a un peu traumatisé, où là, je me suis dit, faut que je dorme la main sur la bouche. Exactement. Ouais. Il faut en parler le matin, peut-être, pas le soir. Ouais. On va traumatiser du monde là. Et puis bon, la consommation à large échelle, selon les auteurs, la consommation à large échelle d'insectes donc est viable et constitue une solution écologique et durable pour faire face au défi de nourrir une population croissante avec suffisamment de protéines. Et pour nourrir les élevages d'insectes, bah, il suffit de déchets ou de fumier, ce qui permettrait en outre d'éliminer les surplus. Et bon, à l'heure actuelle, il n'existe que quelques éleveurs d'insectes aux Pays-Bas, c'est ce qu'indique l'article. Bon, ça semble logique et amplement suffisant en même temps parce qu'il n'y a pas vraiment de marché grand public pour le moment. L'article dit, enfin, un des chercheurs qui est mentionné dans l'article dit encore que c'est un vrai challenge de convaincre les Néerlandais à croquer dans une tête de sauterelle. La barrière culturelle et psychologique est difficile à franchir. Et puis, ce chercheur, un entomologiste, estime que pour conquérir les consommateurs, il faut éviter que les insectes soient trop reconnaissables. Par exemple, on pourrait ajouter des protéines d'insectes dans la viande des garnitures de pizza. Je pense qu'il faut être hollandais pour faire ce genre de proposition. Ou on pourrait ajouter de la viande d'insectes dans les nuggets surgelés de poulet ou de porc, par exemple. Ouais, bon, de toute façon, je pense pas que ce soit propre aux Hollandais. Je pense que c'est général dans la culture occidentale. La consommation d'insectes est assez ragoûtante, je pense. Assez peu Pourtant, ragoûtante, justement, ouais. quand on y pense, enfin, on mange des crustacés. Les crustacés sont des arthropodes comme les insectes. Et bon, c'est un peu la même constitution, hein, grosso modo, et ça nous dégoûte un peu moins, quoi. Ouais, encore que, C'est ouais. vraiment quelque chose de Ouais. culturel, quoi. Je sais Moi, je pas. me pose la question à chaque fois que je bouffe des crevettes. Je trouve que ça a une tête de sauterelle, et puis chaque fois, je me demande si les sauterelles n'ont pas le même goût. Ah bon? Ouais. Ouais, pourquoi pas? Je sais Il pas, faut. faudrait si quelqu'un a déjà mangé une sauterelle qui nous confirme si ça a le même goût Ouais, ou qui nous pas, quoi. fascine. Il recevra un Ouais. t-shirt podcast science pour avoir fait avancer la science. J'aimais les crevettes, donc peut-être que je me mettrai à la sauterelle du coup. Bon, écoute, t'oublieras pas de filmer la scène. Alors, on veut quand même une trace tangible pour nos Pas de archives. soucis. Ah voilà, bon, on trouve plein d'autres sources sur le sujet. Même dans l'entrée entomophagie sur Wikipédia, il y a le lien dans le dossier. C'est très complet pour celles et ceux que ça intéresse. Bon, pour le downside, suivant directement le commentaire de Pierre Kerner qui nous proposait d'explorer cette piste, on avait également un commentaire d'un certain Didier Barthes ou Barthès qui nous proposait une réflexion sur son blog qui critique justement cette piste, arguant d'une part qu'on propose en général de manger ces insectes frits, donc ce qui n'est pas idéal sur le plan diététique, et puis en se demandant d'autre part s'il ne s'agirait pas de l'étape suivante d'une espèce de fuite en avant effrénée, c'est-à-dire qu'après avoir bouffé toute la viande, tous les poissons de la mer, ben on passerait aux insectes, et puis quand on les aura finis, est-ce qu'on s'attaquera aux bactéries? Donc c'est une réflexion. Assez intelligente. L'auteur du billet pense qu'il faudrait revoir notre croissance démographique plutôt que trouver toujours de nouveaux moyens de la soutenir. Donc voilà, c'est pas de ça qu'on a prévu de parler ce soir, mais le débat est ouvert par commentaires interposés pour celles et ceux que ça inspire. Bon, vous aviez encore une remarque, un commentaire à faire sur l'entomophagie? Ouais, pourquoi pas. Moi, ça me fait penser à une émission là que j'aime bien regarder à la télé là sur la chaîne NT1. Alors, tu connais peut-être pas toi, Alan. Non. C'est Man versus Wild. Ah Alors, oui. ah, tu connais Alan. Donc le mec, c'est Bear Grylls, ça s'appelle. Et puis, je crois que c'est Un l'ancien ancien paramilitaire, je sais légionnaire. plus quoi. Ouais, l'ancien légionnaire, je crois. Et puis, je crois qu'il était aussi chef des scouts de Grande-Bretagne. Enfin bon, c'est un mec qui a un gros CV pour ça quoi. Il se retrouve souvent dans des situations où jamais de ma vie je mettrais les pieds quoi, impossible. Ils se retrouvent toujours à 10 km de la première trace de civilisation. Et donc le but c'est en fait de se débrouiller tout seul quoi. Et donc il se retrouve souvent à manger des insectes quoi. Et que à D'accord, chaque fois il explique, il dit puis ah c'est comment, très quoi? nutritif, il est là, il dit ah c'est très nutritif, c'est très bon, faire comme ci, faire comme ça, tu vois. Et c'est vrai que quand on le voit manger, moi ça m'écœure quoi à chaque fois, mais bon bah, Et en pourtant. plus, des fois, il fait des moules du genre, franchement, on a l'impression que c'est vraiment pas bon, quoi. Ouais, des fois c'est vrai que ça allait assez vrai, des fois c'est vraiment pas bon quoi. Ouais. Mais ouais, donc voilà, c'est pour dire que c'est vrai que bon, dans la nature, on ferait certainement comme ça si on n'avait pas toute notre technologie qui nous permet aujourd'hui d'avoir des frigos bien remplis, tout ça quoi. Donc si on était encore à l'état sauvage, peut-être qu'on mangerait des insectes et que ça nous écœurerait moins quoi. Ouais. Bah oui, sans doute. Non, mais ça, c'est clairement culturel, ces trucs-là. Oui, les Français, on mange bien des cuisses de grenouilles et des escargots, et Exactement. le Et reste puis, des ouais, Européens nous regardent voilà. avec horreur. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai, Ouais. Ou du cheval aussi, c'est un truc. Ouais, les Anglais, ça les fait bondir, quoi, d'imaginer qu'on puisse manger des chevaux, des grenouilles et des escargots. Bon, la cuisine anglaise n'est pas en reste non plus. Enfin, comme quoi, tout ça, on est vraiment conditionné par nos représentations culturelles. Ah Mais ouais, tout bon, à fait. Ouais. ok, donc bah une piste à explorer. Si on a des volontaires donc qu'ils se présentent, il y a vraiment plein de t-shirts à gagner sur Voilà, si vous pour avez le déjà coup. mangé une sauterelle, dites-nous le goût que ça a. Voilà, nous sommes Ouais, est-ce curieux. que ça ressemble à la crevette? Voilà. Faites avancer la science. Ok, bah maintenant je vais parler un peu du bio comme autre piste. Je sais pas si vous avez remarqué, moi je trouve qu'il est impossible de regarder un reportage traitant de questions alimentaires sans que ça se termine par une injonction à bouffer bio. Bon, j'exagère un petit peu, mais enfin, il faut quand même admettre que le bio est présenté comme une panacée. Des fruits et légumes meilleurs pour la santé, meilleurs pour la nature grâce à des procédés non intensifs, respectueux des gens et de la planète. Qui dit mieux? C'est pas un hasard d'ailleurs si le Grenelle environnement, on dit pas le Grenelle de l'environnement, c'est le Grenelle environnement, ce que j'ai découvert en préparant ce dossier. Donc c'était un ensemble de rencontres politiques organisées en France en septembre et octobre 2007, visant à prendre des décisions à long terme en matière d'environnement et de développement durable. Bah, ce Grenelle avait fixé à la France des objectifs ambitieux en matière de développement de l'agriculture bio, notamment 20% de produits biologiques dans la restauration collective. En 2012, donc dans les cantines, je ne sais pas si ça a été fait, on est en 2012, je ne sais pas exactement quand les résultats étaient attendus, ce serait intéressant d'avoir un feedback là-dessus. Et puis surtout, passer en agriculture biologique 20% de la surface agricole utile en France en 2020, rien que ça. Alors moi, comme tout quarantenaire bobo qui se respecte, je me suis laissé conquérir par les promesses du bio. Mais ma foi a été passablement ébranlée lorsque j'ai lu Denialism, le livre du journal scientifique américain Michael Specter. C'est un livre absolument génial. Bon, j'ai regardé, malheureusement, il n'est encore pas traduit en français, mais pour ceux qui lisent l'anglais, je vous le recommande chaleureusement. Dans ce livre, l'auteur passe en revue les attaques que subit la science de toutes parts et la montée des peurs irrationnelles, la peur des vaccins, la peur de la génétique, ce genre de choses. C'est super bien écrit, c'est richement documenté, ça se lit comme de rien. Mais il m'a franchement surpris avec le chapitre bio en indiquant que la mode du bio et la demande croissante pour les produits bio vont de pair avec une sorte de militantisme anti-progrès. Qui veut croire à un retour possible à une espèce de jardin d'Éden. En fait, plus que choqué, honnêtement, moi, ça m'a surtout vexé, évidemment, parce que je me sens pas du tout faire partie de la clique de fondamentalistes anti-science qu'il décrit. Et pourtant, comme tout le monde, j'ai succombé à la mode du bio et j'achète des produits de temps en temps. Et lorsque j'ai parlé à Georges Mackey, notre auditeur Georges Mackey, de mon projet de dossier, il m'a prêté un petit livre intitulé Bio, fausses promesses et vrai marketing de Gilles Rivière-Wegstein, le fondateur de la revue mensuelle Agriculture et Environnement. C'est donc un spécialiste des questions agricoles et environnementales. Et puis cet auteur a mené l'enquête avec rigueur pour passer à la moulinette chacune des idées reçues qui sont véhiculées par le sujet du bio. Et je trouve l'approche vachement plus intelligente, évidemment, que celle de Michael Specter, en l'occurrence, parce que moins militante et systématiquement étayée, super bien documentée. Alors là aussi, je vous ai choisi quelques extraits. D'abord, on va parler de l'idée numéro 1, le bio est meilleur pour la santé. En 2003, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, l'AFSA, aujourd'hui intégrée dans l'ANSES, je ne sais pas comment ça se prononce, ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, donc française, évidemment, un acronyme pareil, a publié un important rapport sur ce sujet, dont les conclusions sont sans appel. L'ensemble des données examinées dans le cadre de cette évaluation a montré de manière générale peu de différences significatives et reproductibles entre la composition chimique des matières premières issues de l'agriculture biologique et celles issues de l'agriculture conventionnelle. Les résultats des études sont parfois contradictoires. Les nombreux facteurs de variation intervenant dans la composition chimique et la valeur nutritionnelle des aliments, c'est-à-dire variété, race, saison, climat, stade de maturité ou de développement, stockage, conduite d'élevage, etc., sont souvent plus importants que l'impact des facteurs liés strictement au mode d'agriculture. L'étude de l'AFSA vient d'être réactualisée par un nutritionniste et un toxicologue, directeur de recherche honoraire de l'INRA. Qui disent en Europe du Sud, la principale motivation d'achat des produits AB, c'est-à-dire issus de l'agriculture biologique, demeure la protection de la santé. Donc ça, c'est ce qu'attendent les gens, hein. Pourtant, enfin les consommateurs. Pourtant, la vocation première de l'AB, donc l'agriculture biologique, reconnue par ses protagonistes officiels, est la préservation de l'environnement, et non pas la nutrition et la santé des consommateurs. L'AB a une obligation de moyens, mais pas de résultats concernant les qualités nutritionnelles, sanitaires et gustatives de ses produits. Notre introduction. Et face à la cacophonie actuelle des messages qui circulent à tous les niveaux, vantant la qualité supérieure des aliments bio, etc., bah les auteurs, il leur a paru utile de refaire le point à partir de ce rapport publié en 2003 en y ajoutant des nouvelles données. Il y a plus de 100 références. Et il relève quelques différences dans certains fruits et légumes, comme des teneurs plus élevées en vitamine C et en polyphénol, mais plus faibles en caroténoïdes. C'est la vitamine A, sauf erreur. Donc dans les produits bio, plus de vitamine C et de polyphénol. L'un des points forts du bio, c'est la richesse en antioxydants, affirme Bruno Taupier-Lettage, qui est responsable qualité à l'ITAB, donc l'Institut technique de l'agriculture biologique. La plante produit ces micro-constituants en réaction à certains stress, comme l'attaque des ravageurs. En bio, en fait, la plante doit se défendre par ses propres moyens. Donc tout ça, c'est vrai. Par contre, il faut également préciser que la formation des polyphénols s'accompagne de celle de centaines de métabolites secondaires, c'est-à-dire des molécules qui n'appartiennent pas au métabolisme primaire, comme des tanins, par exemple. Et certaines de ces substances sont des toxines à action insecticide ou fongicide. Donc en fait, la plante bio, comme elle est pas aidée par un insecticide ou un fongicide qui vient de l'extérieur, produit son propre insecticide. Et seuls quelques-uns de ces insecticides ou fongicides naturels ont été étudiés pour leur toxicité, notamment les glycoalcaloïdes de la pomme de terre et de la tomate. Et les faibles différences observées entre aliments bio et conventionnels n'ont aucune répercussion significative sur la nutrition et la santé. Il y a un autre truc intéressant, c'est que les tenants du bio établissent un lien de causalité directe entre l'utilisation des pesticides et les cancers. C'est notamment les propos que tenait un certain Claude Aubert en 1979, 1979. Il disait: de nombreux indices montrent que, en dépit des progrès de la médecine, l'état de santé générale de la population ne cesse de se dégrader et que cette évolution va en s'accélérant. Donc, il était secrétaire général de Nature et Progrès. Or, comme l'a démontré un groupe de chercheurs travaillant dans le cadre de l'Observatoire européen des espérances en santé, on vit aujourd'hui sans incapacité jusqu'à 68 ans en moyenne dans l'Union européenne. Et en France, grand pays agricole, le chiffre s'élève à 68 ans pour les hommes et 69 ans et 8 mois pour les femmes, alors qu'en Allemagne, il se situe respectivement à 63 et 62 ans. Et toujours dans l'Hexagone, l'espérance de vie atteint 77, allez, on parle de l'Hexagone, on va parler français, 77,5 ans pour les hommes et 84,4 pour les femmes, chiffre de 2007, alors qu'en 79, elles n'étaient respectivement que de 70 et de 78 ans. Donc en 30 ans, l'espérance de vie n'a cessé d'augmenter, infirmant toutes les prédictions pessimistes de Claude Aubert, qui déclarait que la mortalité, qui avait nettement diminué entre 1950 et 1971, recommence à augmenter légèrement. Donc voilà, faire attention avec ce type d'affirmation. Les affirmations qui étaient faites il y a 30 ans, ben aujourd'hui, on peut les démonter parce qu'on a le recul. Les affirmations qui sont faites aujourd'hui, il faudra attendre une trentaine d'années avant de savoir si elles sont fondées ou pas. Gilles Rivière-Weckstein, l'auteur du livre, démonte aussi cette idée qui veut que si les vieux vivent de plus en plus vieux, c'est parce qu'ils ont mangé bio à la cantine toute leur enfance, à l'époque d'une agriculture sans pesticides. Bah, le problème, c'est que cette agriculture sans pesticides n'a jamais existé. En tout cas, pas à la fin du 19e, début du 20e siècle. Document à l'appui, l'auteur démontre qu'on faisait un usage massif d'insecticides à ces époques-là. On utilisait du charbon engrais contre le phylloxéra en 1890, des capsules Jamin au sulfure de carbone et à la benzine en 1891. On désinfectait les vignes et les arbres fruitiers avec du lysol, une solution à base d'huile lourde et de goudron de houille qui assure un traitement réparateur contre le phylloxéra. On faisait également joyeusement usage de bouillie à base de mercure, de mélange à base de térébenthine ou encore de jus de nicotine. Miam, Pas miam. mal, hein? Et Tout d'un puis, coup, ça donne envie de manger. n'est-ce pas? Donc voilà, le bio des grands-parents, en fait, n'était pas plus bio que. Enfin, n'était pas plus naturel que ce qu'on mange aujourd'hui. Et à partir des années 50, nous dit l'auteur, les insecticides naturels ont progressivement disparu de la planète, de la palette des produits phytosanitaires. Les agriculteurs leur préféraient en effet des produits de synthèse beaucoup plus performants et qui ciblaient mieux leur, enfin qui, voilà, qui étaient plus efficaces pour atteindre leur cible. Seuls les agriculteurs bio ont continué à les utiliser, quitte à recourir à certains produits interdits depuis lors, compte tenu de leur toxicité. C'est le cas de la nicotine, justement, un alcaloïde dont les propriétés insecticides sont bien connues et qui a été autorisé en agriculture biologique jusque dans les années 90, alors qu'il est 40 fois plus toxique pour l'homme que le DDT. Et c'est aussi le cas de la rotenone, un produit issu de plantes tropicales, très toxique pour les poissons et divers insectes qu'il paralyse, et qui est probablement à l'origine de certains cas de maladie de Parkinson. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que qui dit pesticide naturel ne dit pas pesticide sans danger. Alors bon, là je crois qu'il a établi que le bio n'est pas meilleur pour la santé, mais alors idée numéro 2, il est au moins meilleur au goût. C'est plus difficile à évaluer parce qu'évidemment on ne souffle pas les goûts et les couleurs. L'auteur cite entre autres une enquête réalisée par 60 millions de consommateurs dans son numéro 446 de février 2010 qui disait ceci: lors de 4 séances de dégustation, 60 consommateurs ont été invités à communiquer leur impression générale sur le goût et la texture de plusieurs sortes d'œufs. Les résultats de notre dégustation vont en décevoir plus d'un, avertit le mensuel, et pour cause, les œufs de poule élevés en cage obtiennent la meilleure note avec les œufs label rouge. Quant à l'œuf le moins apprécié, il s'agit d'un œuf bio. Bon, alors après, évidemment, ce genre de résultats sont à considérer avec prudence, hein. Là, c'était un test. Je ne sais même pas dans quelles conditions ça a été fait, d'ailleurs, ce n'était pas documenté dans le livre. Mais ouais, ce qu'on retient, c'est que tout ça est très, très subjectif, quoi. Ce genre de test démontre en tout cas que le bio n'est pas objectivement meilleur que le non bio. Alors, je te coupe là parce qu'on a une réponse au sujet du goût de la sauterelle. Donc, il y a dans les commentaires, c'est Urs qui nous dit que la sauterelle grillée aurait un goût proche du poulet grillé, avec et puis une texture qui se rapproche plutôt du céleri. Une Voilà, donc texture c'est. qui se rapproche du céleri et un goût qui se rapproche du poulet. Ouais, c'est Voilà. intéressant. Donc je sais pas si ça te donne envie de tester. Pas encore. Je pense qu'il me faut un peu plus d'arguments, mais voilà, au moins ça répond à la question que je me posais. Ça ressemble pas tellement à la crevette, donc. Ok, Note bon, là on. qu'il y a juste Pardon? une autre question qui vient d'arriver qui non, sur le bio qui de pingouins migrateurs qui demande si le bio n'est pas meilleur au moins pour la santé des agriculteurs et ceux qui vivent dans les régions agricoles. Moi j'aurais envie de dire vu ce que tu nous présentes comme pesticides naturels, je suis pas sûr que leur manipulation soit moins nocive que les pesticides chimiques, hein. Mais bon après. Non, C'est un effectivement. avis à Et puis, moi vu de nez. ouais. On va voir encore la question du soufre pour toutes les cultures arboricoles, donc les arbres fruitiers et la vigne. Puis bien, on va voir que c'est pas terrible. Bon, par contre, Est-ce que pour c'est pas d'autres ce types de mot cultures, j'en sais naturel là rien. qui. Excuse-moi, ouais, excuse-moi de te couper, mais est-ce que c'est pas ce mot naturel en fait qui nous influence un peu dans notre façon de penser, quoi. C'est naturel, on a tendance à penser c'est naturel, donc c'est bon. Bah, il y a C'est plein de mieux. poisons qui sont naturels. Ouais, voilà, c'est Pour ça, autant mais. qu'ils sont bons. Ouais, mais c'est comme, tu sais, il y a certains mots comme ça qui donnent soit une connotation Non, je sais, négative, soit mais. positive. Comme, Je tu sais, sais, mais dès que c'est tu ma parles réponse de. habituelle à tous Ouais, ceux qui me ouais, disent naturel égale bon. Non, non, il y a ouais. des. Ouais, mais bien sûr, Il y a hein, quelques mais très c'est. bons poisons très naturels. Absolument, ouais. Bon, troisième idée reçue, le bio est bon pour l'environnement. Alors là, évidemment. C'est moins tranché. Oui et non. C'est compliqué. C'est-à-dire que l'agriculture bio est une démarche respectueuse de l'environnement. Par définition, c'est sa raison d'être, c'est inscrit dans son ADN. Mais il y a plusieurs mais. D'abord, avec des chutes de rendement de l'ordre de 30 à 50% pour le blé, les conséquences sur l'usage des sols et le climat ne sont pas négligeables. Ces chutes entraînent en effet une augmentation proportionnelle des surfaces cultivées et par conséquent des émissions de gaz à effet de serre. L'auteur, qui expose également les positions des partisans du bio, indique que selon ceux-ci, on ne devrait pas se livrer à ce genre de comparaison, car le passage à la consommation bio engendre moins de consommation carnée, donc moins d'élevage à viande, donc moins de céréales et oléagineux pour le bétail, et plus de surface pour l'alimentation humaine. Alors, personnellement, j'aime beaucoup cette idée, mais j'ai un peu de peine avec l'argument quand même. La palette de viande bio dans les supermarchés ne fait que croître à vue d'œil, et j'ai rien trouvé dans le cahier des charges bio suisse, c'est celui que j'ai lu en l'occurrence, qui pousse à la réduction de la consommation de viande. Ceci dit, l'idée de réduire la consommation de viande est une piste franchement très sérieusement très intéressante. Bio ou pas bio, on y reviendra plus tard. L'INRA a réalisé entre 2001 et 2004 une évaluation agri-environnementale de la conduite de la vigne en agriculture biologique et en production intégrée. Bah, il n'y a pas photo. L'impact environnemental de la production intégrée est plus favorable que celui de l'agriculture biologique, notamment au niveau des indicateurs phytosanitaires. Pour principale raison, le nombre de passages pour les applications de cuivre, qui a un impact important sur le sol, mais aussi sur les eaux de profondeur et sur l'air. En effet, pour faire face aux attaques de mildiou ou d'oïdium, les agriculteurs bio, pardon, sont bien obligés de traiter. Et comme ils ne disposent pas de produits de synthèse, bah, ils ne peuvent utiliser que des formulations à base de soufre ou de cuivre. Or, l'efficacité de ces produits n'est pas extraordinaire. Les doses utilisées sont importantes, jusqu'à plusieurs kilos à l'hectare, et les passages sont très fréquents. Alors, le cuivre est super toxique et il n'est pas biodégradable. Il s'accumule année après année dans la terre. L'auteur nous dit ceci, donc les autorités sanitaires communautaires sont mal à l'aise avec ce dossier. Il est vrai que l'on ne peut indéfiniment déverser des produits non biodégradables dans les sols. Épandre 5 kilos par an correspond à déverser sur les sols une demi-tonne de cuivre sur chaque hectare au bout d'un siècle, explique Denis Dubourdieu, qui est cité dans le livre, professeur d'œnologie à l'université de Bordeaux. Imaginez l'état des sols si l'on avait utilisé le cuivre depuis le début de la culture de la vigne, c'est-à-dire au moins 2000 ans, poursuit-il. Il existe de nombreux exemples où, dans des sols acides, les quantités de cuivre fongicide accumulées depuis un siècle d'usage, empêchent aujourd'hui l'herbe, le blé ou même les arbres fruitiers de pousser. confirme Thierry Coulon, qui est également cité, qui est directeur technique de l'Institut français de la vigne. Bref, donc le bio n'est pas meilleur pour la santé, le goût des produits bio n'est pas meilleur que les autres, et le bilan environnemental est franchement mitigé. Ce dont on pouvait déjà se douter un petit peu en constatant que de nombreux produits bio traversent la planète avant d'arriver sur l'étal de nos supermarchés et contiennent parfois de l'huile de palme. Enfin bref, bio veut vraiment pas dire... veut pas forcément dire bon pour l'environnement. Et pourtant, on est prêt à payer davantage pour ces produits. Alors moi, je commence à me demander si au fond, Michael Spector n'a pas raison. Enfin, j'ai l'impression que tout cela n'a plus grand-chose de rationnel. On est un peu au royaume de la croyance. Le bio a atteint un statut quasi religieux dont la légitimité paraît franchement discutable. On peut encore ajouter à cela que le courant bio trouve son origine dans les courants d'extrême droite opposés au progrès, c'était les poujadistes en France ou d'autres courants ailleurs en Europe, et puis ben, le concept est tout de suite nettement moins sexy. Et avec des rendements catastrophiques, il est clair désormais que ce n'est pas ce mode d'agriculture qui nous donne un petit peu facilement bonne conscience dans les pays riches, c'est pas ce mode-là qui va nourrir la planète. Bon, ceci étant dit, moi je pense qu'il faut quand même laisser au bio un immense mérite, c'est celui d'avoir permis aux consommateurs de dire que ces promesses, c'est-à-dire la santé, le goût, l'environnement, sont importantes à leurs yeux, même si derrière ces promesses n'ont pas été tenues par le bio. Moi j'ai une remarque sur Twitter de Tracker Stellaire qui dit, enfin je pense que c'est en remarque par rapport aux cantines des grands-parents, et qui dit que ça serait dur puisque on peut pas être bio avant l'édification des normes de l'agriculture biologique. Oui, de toute façon, bien sûr. Mais c'est alors je ne me rappelle plus qui était cité. C'est un argument qui revient souvent. Alors, c'est pas forcément bio, mais c'est l'idée qu'on mangeait plus naturel au début du siècle. Et que les gens qui vivent vieux aujourd'hui n'auraient pas été soumis aux mêmes pesticides, aux mêmes toxines que les gens qui sont nés aujourd'hui et dont certains pensent que l'espérance de vie sera moins élevée. Effectivement, la formulation laisse un peu à désirer. Ça peut pas être bio avant l'invention du bio. Oui, puis après, clair. Est-ce que l'idée des normes bio tire pas sur les traditions agricoles, quoi. C'est pas forcément des. Enfin, je sais pas. Après, je n'ai pas assez étudié les normes, mais est-ce que c'est tiré de ce qui a été fait avant, ou est-ce que c'est juste, c'est il y a aussi des nouvelles choses qui sont amenées dans les normes, de nouvelles techniques. Dans les normes bio, tu dis? Ouais, je sais pas. Enfin, c'est une question, quoi. Est-ce que c'est entre guillemets le bio, c'est comme nos grands-pères ou est-ce que c'est En fait, le bio, c'est comme l'image qu'on se fait de ce que ça aurait été si on avait laissé faire la nature. Mais voilà, tout ça part de croyances, alors de beaucoup de bonne volonté, beaucoup de sincérité, de bonne foi. J'ai énormément de respect pour ces agriculteurs bio qui bossent comme des fous, quoi, pour respecter les principes dans lesquels ils croient. Mais ça correspond pas forcément à un modèle qu'on a expérimenté par le passé. L'idée de réduire les rendements est plutôt contre-intuitive, quoi. Au contraire, on a plutôt tout essayé pour se protéger des famines à travers toute notre histoire. Donc je pense pas que ça s'appuie sur une réalité historique, en fait. Ça s'appuie sur un modèle qu'on s'est fait à un moment donné. Tout ça est assez bien expliqué dans ce livre, hein, que je vous recommande de lire. J'avoue que j'ai un petit peu zappé les passages historiques, parce que voilà, je voulais pas non plus faire un sujet sur le bio. Même si je me suis laissé embarquer, parce que la lecture est tout simplement passionnante. Je voulais dire deux mots de l'agriculture intégrée aussi, parce que je l'ai évoqué il y a un instant, et puis on va y revenir en évoquant les différentes solutions qui sont engagées. Alors je vous rassure, je ne veux pas faire de diatribe interminable cette fois-ci, on va juste poser les bases pour comprendre de quoi on parle, avec l'aide de notre bon ami Wiki. Donc, le concept d'agriculture intégrée, nous dit Wikipédia, caractérise des pratiques agricoles menant à des aliments de qualité en utilisant des moyens naturels et des mécanismes régulateurs pour remplacer les apports polluants et pour assurer une agriculture durable. On est un petit peu dans l'esprit du bio. L'accent est placé sur une approche holistique. L'exploitation est considérée comme une unité de base au centre d'un agrosystème comprenant un cycle équilibré de nutriments et basé sur le bien-être de toutes les espèces animales dans l'élevage. La préservation de la fertilité des sols et d'un environnement diversifié est un aspect essentiel. Les moyens biologiques, techniques et chimiques sont utilisés de manière équilibrée pour prendre en compte la protection de l'environnement ainsi que les exigences économiques, c'est-à-dire la rentabilité, et sociales. Enfin, l'agriculture intégrée fait appel aux méthodes de lutte intégrée, méthodes de protection des cultures tenant compte d'un seuil de nuisibilité du ravageur ou de la maladie au-delà duquel le résultat économique est touché. Ce n'est donc que lorsque ce seuil de nuisibilité ou seuil de tolérance est atteint que la lutte chimique est déclenchée contre le ravageur, la maladie cryptogamique ou le virus en question. Donc ça veut dire, en gros, en résumé, qu'on fait du bio jusqu'à ce qu'il y ait un problème et puis là on n'hésite pas à utiliser les moyens qui existent, les moyens modernes. Et efficace. On ne s'impose pas de règles aussi strictes qu'avec le bio. Le site de l'Observatoire de l'environnement de la région Poitou-Charentes précise encore, l'agriculture intégrée se situe à mi-chemin entre l'agriculture conventionnelle et l'agriculture bio, comme ça on arrive peut-être mieux à se faire une idée. La valorisation des ressources naturelles et des mécanismes régulateurs est réalisée par exemple par l'arbre qui recycle des éléments minéraux grâce à la puissance de ses racines et la chute des feuilles. Certaines cultures comme le blé recyclent des quantités importantes de potasse par l'intermédiaire de la paille. Et certains parasites tels les pucerons, limaces, ont des prédateurs naturels tels que certains carabes. Donc ça, c'est le concept assez génial de lutte biologique qui est utilisé en agriculture intégrée. Donc ça consiste, à la place de chasser les prédateurs à grands coups de substances toxiques, en détruisant accessoirement toutes sortes de créatures qui ne sont pas forcément des prédateurs, qui sont pas nuisibles en tout cas, à la place, donc, on va amener leurs prédateurs naturels, comme les coccinelles pour lutter contre les pucerons. C'est propre et hyper sélectif, on ne détruit pas tout ce qui bouge à des kilomètres à la ronde. Mais bon, ceci dit, en relisant ce passage de mon dossier, Hélène, t'as un peu modéré mes ardeurs, hein? Oui, non, mais... parce qu'après moi je vois les choses avec un autre angle aussi. Ouais. Et donc en fait sur les coccinelles, on a utilisé des coccinelles importées au lieu de prendre les coccinelles du champ d'à côté en fait. Ah ouais, voilà, on arrive On toujours à a faire des amené conneries. les coccinelles asiatiques qui sont beaucoup plus voraces, donc plus efficaces. D'accord. Et en fait, en ce moment, il y en a peut-être qui en ont entendu, on a des invasions de coccinelles asiatiques. Bon, qui pour l'homme n'est pas plus que ça dérangeant, à part que ça a un peu tendance à envahir certaines maisons, ce qui est bon, moyennement agréable pour les habitants, mais. Ah ouais, j'habite chez les coccinelles asiatiques. Ouais. Voilà. Mais Sympa. après, ça a plus d'impact sur les populations de coccinelles, on va dire bien de chez nous. Originaire de chez nous, puisqu'il y a une concurrence en fait entre les deux, et puis comme il y en a qui sont un peu plus agressives que les autres. Ouais, Voilà. mais D'accord. l'erreur était de prendre une espèce et de la faire changer d'écosystème, quoi. Ouais, bah c'est clair. Non, Bien mais sûr, c'est en c'est le ça plus où quoi. il faut faire attention dans la lutte biologique Ouais. qui est souvent vantée. Et en fait, enfin voilà, c'est un bémol. Après, l'idée de la lutte biologique est très bonne, hein. C'est juste, enfin, pas importer les prédateurs d'ailleurs. Bah ouais, il Enfin faut pas voilà. faire ça n'importe comment. Enfin... Les écosystèmes, c'est un peu fragile. Bah ouais, bien sûr, bien sûr. Parce que des cas comme ça, il y en a des dizaines, quoi. Dès qu'on change une espèce d'écosystème, forcément, on se retrouve dans un autre avec soit des proies, soit des prédateurs inconnus pour elle, et puis il y en a une des deux qui va en pâtir, forcément. Mais dans ce cas-là, pourquoi pas avoir pris justement les coccinelles qui étaient déjà en place parce qu'elles étaient moins agressives, c'est ça ou... Ouais, bah, enfin, j'ai pas fait non plus une recherche hyper poussée là-dessus, mais c'est, oui, les Asiatiques sont plus agressives et du coup, c'est ça qui était vendu, enfin, c'est celles qui sont plus vendues sur le marché de la lutte biologique. C'est le petit agriculteur qui veut aller acheter ses coccinelles. Ouais. Donc, voilà. Ouais, Donc. de nouveau un manque de réflexion, un manque de compétences dans ces questions-là qui font que... Voilà, même les bonnes idées dégénèrent, quoi, comme souvent, c'est terrible. Ah Mais voilà, bon, bah, oui, pardon. voilà, utiliser des coccinelles pour manger les pucerons, c'est une bonne idée. Bref, Exactement, ouais, faut faire surtout que attention aux coccinelles. c'est ça, si c'est des coccinelles domestiques, une fois qu'elles ont fini de manger les pucerons, bah, elles s'en vont, elles vont chercher d'autres pucerons ailleurs, et puis y a pas tellement de problèmes. Mais, ouais, voilà. Ok, je ne veux pas parler plus que ça d'agriculture intégrée, c'était juste simplement pour poser un peu le décor. Je vais maintenant vous parler de l'article de Science. Donc, il y a le lien là aussi dans le dossier. Si on veut acquérir la version payante, il y a un lien sur un PDF gratuit aussi qui est disponible en ligne. J'aurais envie de dire, enfin de titrer ce chapitre du dossier à problème complexe, réponse complexe. Différents chercheurs américains, canadiens, suédois et allemands issus de plusieurs universités représentant diverses facultés, notamment de géographie, de biologie, de climatologie, d'économie, ont réfléchi ensemble aux meilleures solutions pour nourrir la planète. Puis après avoir posé la problématique un peu comme on l'a fait la semaine dernière, les auteurs estiment que le défi est le suivant, en résumé. Il s'agit de doubler la production de nourriture au cours des quelques prochaines décennies, tout en réduisant de 80% les émissions de gaz à effet de serre dues à l'agriculture, en réduisant les pertes d'habitat et les pertes de biodiversité, en réduisant les utilisations de l'eau qui ne s'inscrivent pas dans une logique durable. Et je suis très embêté, tiens, j'avais imprimé mon dossier et je me suis un petit peu planté. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je n'ai pas la suite. J'ai des pages blanches. Alors, je vais vous demander, si quelqu'un a envie de meubler un petit peu en attendant que je retrouve mon dossier en ligne, en espérant que le site n'est pas une fois encore planté. Ok, pas de souci. Alan, prends ton temps. Nous sommes là. Magnifique, je te remercie. T'as des nouvelles du match? Ouais. Alors bon, s'il y en a qui ont fait une exception ce soir et qui ont préféré écouter Podcast Science, sachez que le score est toujours à 0-0 après 25 minutes de jeu. Voilà. Je vais me reconvertir en commentateur de matchs sportifs. Ouais, tu fais ça pendant les podcasts scientifiques en live, Ouais, voilà, c'est pas ça mal. passe parfaitement. Ouais, bon, tu t'en sors, tu retrouves ton Ok, dossier? ouais, je Ouais. retrouve mon dossier, absolument. Impeccable, sauvé. Ouais, ouf, le site n'est Oh, pas bah. down pour une fois, ça tombe bien. Je sais pas ce qui s'est passé d'ailleurs, j'ai pas dû imprimer les bonnes pages. Donc bref, on disait le défi est le suivant. On doit doubler la production de nourriture au cours des prochaines décennies, tout en 1. Réduisant de 80% les émissions de gaz à effet de serre dues à l'agriculture, 2. En réduisant les pertes d'habitat et les pertes de biodiversité, 3. En réduisant les utilisations de l'eau qui ne s'inscrivent pas dans une logique durable, et 4. En supprimant progressivement la pollution des eaux par les apports chimiques de l'agriculture. Alors, doubler la production tout en diminuant les impacts environnementaux, l'équation semble impossible. Alors, comment y parvenir? Bon, sans doute, il n'y a pas de réponse toute simple, ce serait trop beau. Et les chercheurs proposent de combiner quatre stratégies simultanément pour y arriver. Donc, la première consiste à stopper l'expansion agricole. La deuxième, à réduire les écarts de rendement, notamment entre le nord et le sud. La troisième, à accroître l'efficacité des ressources agricoles, enfin de l'utilisation des ressources agricoles. Et puis quatre, à améliorer la distribution de la nourriture en changeant les régimes alimentaires et en réduisant le gaspillage. Alors, on va explorer un petit peu, hein, de manière un peu plus approfondie, chacune de ces quatre stratégies qu'il s'agit de mener de front si on veut réussir à nourrir tout le monde en 2050. D'abord, stopper l'expansion agricole. Alors, l'expansion de l'agriculture dans les écosystèmes sensibles a des effets considérables sur la biodiversité, le stockage du carbone et les services environnementaux que peuvent rendre ces écosystèmes. C'est particulièrement vrai lorsque ce sont des forêts tropicales qui sont abattues pour faire place aux nouveaux terrains agricoles. Et on estime que le phénomène cause la perte de 5 à 10 millions d'hectares de forêts chaque année. Le ralentissement, puis finalement l'arrêt total de l'expansion de l'agriculture, constituera le premier pas vers une agriculture plus durable. On peut se demander si cela impactera négativement la production de nourriture. Alors les analyses des experts indiquent que non. En fait, les bénéfices de la déforestation tropicale sont souvent assez limités, particulièrement à la lumière des dégâts environnementaux qu'ils provoquent. Et les régions de l'agriculture tropicale qui ont des hauts rendements, en particulier les cultures de canne à sucre, d'huile de palme et de soja, contribuent typiquement assez peu aux fournitures caloriques mondiales, particulièrement lorsque les cultures sont destinées aux biocarburants. Les éventuelles pertes caloriques dues à l'arrêt de la déforestation pourraient être compensées par l'amélioration des rendements sur les terres agricoles existantes et des encouragements économiques pour des solutions écologiquement viables ainsi que des certifications comme des labels en écotourisme par exemple pourraient permettre d'atteindre ce premier objectif. Ça, c'était la stratégie numéro 1. Deuxième stratégie, réduire les écarts de rendement, notamment entre le nord et le sud. Alors là, de récentes analyses ont montré de très très importants écarts de rendement, même au sein de régions disposant de conditions de culture similaires. Il existe des opportunités significatives d'augmenter les rendements des cultures dans de nombreuses régions d'Afrique, d'Amérique latine et d'Europe de l'Est, où la difficulté d'accès à l'eau et aux engrais est la plus forte. Alors ça passerait par un meilleur déploiement des variétés existantes, avec une meilleure gestion qui pourrait déjà permettre de réduire de nombreux écarts, tandis que l'optimisation génétique permanente permettrait probablement d'augmenter encore les rendements partout à l'avenir. Alors les analyses des chercheurs ont montré que si on pouvait augmenter tous les rendements de 95, les augmenter à 95% de leur potentiel, bah la production globale de céréales augmenterait de 2,3 milliards de tonnes, soit 5 fois 10 puissance 15 calories, ce qui correspond à une augmentation de 53% de la production totale. Et même si on n'atteignait pas cet objectif, si on atteignait que 75-75% du rendement, bah ça nous ferait toujours une augmentation de 28% ou 1,1 milliard de tonnes ou 2,8 fois 10 puissance 15 calories. Il existe aussi des opportunités significatives du côté des variétés orphelines, donc qui n'ont pas bénéficié de beaucoup d'attention ces dernières années et qui n'ont pas été optimisées. Et ça contribuerait également à augmenter la diversité des cultures. Bon, réussir ce tour de force sans dégradation environnementale passera forcément par de nouvelles approches, comme la réforme de l'agriculture traditionnelle qui devra davantage s'inspirer justement des méthodes du bio et de l'agriculture intégrée. Et puis ça nécessite également de régler les problèmes économiques et sociaux que poseront forcément ces réorganisations. Ensuite, la troisième stratégie consiste à accroître l'efficacité des ressources agricoles. Donc ici, les chercheurs ont exploré deux problématiques, l'utilisation de l'eau d'une part et l'utilisation des engrais d'autre part. Donc l'eau d'abord, l'irrigation est actuellement responsable du pompage de 2800 km3 d'eau douce provenant des nappes phréatiques des lacs et des rivières. On l'utilise pour environ 24% des cultures et ça permet de délivrer 34% de la production agricole. Donc c'est super important. En fait, sans l'irrigation, la production globale de céréales chuterait d'une vingtaine de pourcents. Du coup, si on la supprimait, il faudrait plus de terrain encore pour produire les mêmes quantités de nourriture, ce qui serait pas bon. Ce serait en tout cas contraire à l'objectif numéro 1. Comme le bio, en parenthèse, on notera aussi qu'il est contraire à l'objectif numéro 1. C'est si on baisse les rendements, ça suppose d'aller chercher des terrains ailleurs. Or, c'est précisément ce qu'il faut qu'on arrête de faire. L'eau nécessaire aux cultures varie énormément selon les régions. Et puis, ça varie aussi selon les espèces de céréales qui sont cultivées. On sait que 16 espèces de base demandent moins de 0,3 litres d'eau par calories fournies. Une piste pourrait consister à tenir compte de cela et de privilégier la culture de variétés peu gourmandes en eau dans les régions plus sèches, plutôt que de se dire on s'en fout, on va balancer de l'eau comme à certains endroits. Là aussi, une meilleure gestion de l'application de certaines techniques simples aussi pourrait grandement aider. Par exemple, réduire l'évaporation hors champ de l'eau pendant son transport et son stockage, et réduire l'évaporation sur le champ avec un simple paillage, par exemple, ou encore réduire le nombre de labours. C'est des solutions toutes simples aux effets immédiats. Maintenant, ça c'était pour l'eau. Sur les engrais, on observe de grandes disparités au niveau de la planète. Tandis que certaines régions manquent d'engrais, d'autres en surconsomment et polluent gravement les ressources. La Chine, le nord de l'Inde, les États-Unis et l'Europe de l'Ouest, typiquement, utilisent beaucoup trop d'engrais. 10% des cultures mondiales sont responsables de 32% des surplus d'azote et de 40% des surplus de phosphore. Alors dans ce cas, c'est des politiques ciblées visant à réduire la surconsommation d'engrais, à améliorer la gestion du fumier et à encourager le recyclage et d'autres pratiques plus durables qui vont permettre de constater une amélioration et qui, de fait, auront un impact également sur la qualité des eaux. Ça, c'était pour le troisième objectif. Maintenant, le quatrième, il s'agit d'améliorer la distribution de la nourriture en changeant les régimes alimentaires et en réduisant le gaspillage. Donc là, on en revient au problème de la viande. C'est-à-dire que si au lieu de filer les céréales au bétail pour ensuite manger des steaks, si on réservait toute la production de 16 souches céréalières essentielles à notre consommation directe, ben, on augmenterait d'un coup les calories disponibles de 49%. Alors bon, ça paraît pas très vraisemblable, évidemment, tout le monde ne va pas arrêter de manger de la viande d'ici demain, mais même des petits changements de régime peuvent avoir un effet spectaculaire, aussi bien sur les calories à disposition, donc clairement nourrir la planète, que en termes d'impact environnementaux. Réduire sa consommation, à défaut de la supprimer, est déjà un progrès très important. Troquer un bœuf nourri au grain contre du poulet, par exemple, ou du porc, ou un bœuf nourri de pâture, a déjà un effet très important. Et puis, bon, des politiques restrictives sur les biocarburants auront également un effet majeur. Et puis, bon, pour finir avec cette histoire de viande, on l'a vu au début du dossier, troquer le steak saignant contre des chenilles juteuses pourrait aussi avoir un énorme impact. Après, je sais pas, personne nous a parlé du goût des chenilles juteuses, hein. Encore. Ouais, il y a des expériences qui se perdent. Mais d'ailleurs, le gars que je te disais là dans l'émission Man vs Wild, je l'ai déjà vu manger des chenilles très juteuses. Ah ouais? Ouais, avec un jus assez verdâtre d'ailleurs, c'était vraiment écœurant quoi. D'accord, qui croque sous la dent. Voilà, j'espère que personne n'est en train de manger là. Moi, j'ai pas encore mangé justement, là ça m'a un peu coupé la faringue d'y penser quoi. Ah voilà, puis bon, pour finir avec cette stratégie, accessoirement, un volume important de nourriture n'est juste jamais consommé, mais il est jeté, gaspillé, dégradé ou consommé par des parasites. Une étude récente de la FAO estime que cela concerne quelque 30% de la production. D'autres études parlent de 50%, c'est difficile de se faire une idée précise. Dans les pays en voie de développement, ils perdent plus de 40% de leur production post-récolte en raison des mauvaises conditions de stockage et de transport. Donc là, il y aurait certainement des choses à faire. C'est une question de définition des priorités politiques, évidemment, et d'encouragement. Et puis, dans les pays industrialisés, on perd moins de production, mais par contre, c'est au niveau du détail, au niveau de la vente de détail et au niveau du consommateur final, que plus de 40% de la nourriture serait gaspillée. Toutes les références, évidemment, à ces études sont disponibles dans l'article de Science qu'on trouve en lien dans le dossier. Donc, en clair, réduire ses pertes et gaspillages et repenser les choix alimentaires, énergétiques et agricoles pourrait améliorer de manière substantielle le nombre de calories disponibles tout en préservant l'environnement. À méditer donc. Et puis, pour méditer joyeusement, vous trouverez à la fin du dossier, parce que voilà, on y est arrivé, une petite vidéo bonus qui nous a été envoyée par Pierre Kerner au moment où je rédigeais les dernières lignes. C'est très rigolo. Je vous conseille d'y aller et de cliquer sur play. C'est une vidéo YouTube. Voili, voilou. Excellent, super dossier Alan, bon, ça m'a pas souvenu en tout cas. Pour revenir là comme tu disais sur la fin, ouais, quand tu parlais du gaspillage, surtout des 40% au niveau du consommateur final, est-ce que déjà c'est pas la première attitude déjà adoptée et peut-être la plus simple quoi, de vraiment changer son attitude vis-à-vis de la nourriture, parce que c'est vrai que dans certains restaurants en particulier, il y a vraiment une quantité incroyable de nourriture qui est gaspillée, quoi, qui est jetée. C'est vraiment du gaspillage. Enfin, moi, je sais que je déteste jeter de la nourriture. Des fois, ça m'arrive d'oublier des choses dans le frigo. Ça me fait un tel mal au cœur de jeter, quoi. Mais est-ce que voilà, changer déjà ce comportement, ça s'engage à rien, quoi. Ça a besoin d'aucune technique. Mais c'est vrai, absolument. Ouais. C'est juste une question de responsabilisation individuelle. Ça a l'air de rien, ouais, comme ça, mais à l'échelle de milliards d'individus qui font gaffe simultanément, évidemment, ça a un impact énorme. Ça me fait penser à une expérience qui avait été faite. C'était dans le en Franche-Comté, c'était dans un lycée. Et en fait, les élèves avaient fait une poubelle spéciale pour le pain, pour démontrer en fait la quantité de pain gaspillé par les gens, enfin Ah ouais. les élèves à la cantine. Et en fait, ils étaient arrivés à des quantités monstres, et ils disaient, mais au lieu de mettre des petits pains, donc on prend un petit pain, machin, on met des tartines de pain. On prend une baguette, on la coupe en morceaux, et puis comme ça, on peut prendre plus facilement juste ce dont on a besoin. D'accord. Et enfin, tu vois, c'est des idées toutes bêtes, quoi, mais Ouais, c'est vrai que c'est vraiment tout dans con. combien de restaurants on nous sert, enfin, on donne des selfs, des petits pains, et puis bon, on en prend un parce qu'on se dit, bah, peut-être que je vais l'utiliser, puis finalement, on le mange pas, machin, puis ça part à la poubelle, et puis. Donc, c'est vrai, enfin, voilà, c'est. Exactement, mais c'est vrai, ça fait partie de ces solutions toutes simples où finalement il suffit à un moment donné d'être un peu conscient du problème, juste de se poser la question. Et il y a des solutions, quoi. Il faut juste qu'on s'y intéresse, hein, qu'on ait cette perspective un peu globale. C'est vrai que quand on choisit un pain dans un self, on pense pas forcément aux 9 milliards d'humains et à ce problème-là, surtout quand on a faim, mais on devrait peut-être commencer à y réfléchir. Après, les solutions vont pas tomber du ciel. C'est vrai que voilà, commencer à formuler des exigences en termes de quantité dans les restaurants qui ont d'autres chats à fouetter aux heures de pointe, c'est peut-être pas la meilleure stratégie, mais enfin, petit à petit, progressivement, un changement peut quand même avoir lieu, je pense. Ouais, je pense que voilà, un changement de mentalité. C'est vrai que voilà, là on parlait du pain, quand tu regardes dans un restaurant, on regarde sur les plateaux des gens, combien il y en a qui finissent totalement leur pain, quoi. T'en as au moins la moitié qui laisse toujours un petit bout de. Une moitié de pain. Tout ça, tout ça, c'est du gaspillage, hein, en fin de compte. C'est du perdu, quoi. Bah ouais. Il y a Manuel qui demande dans les commentaires et la permaculture. Alors, la permaculture, j'ai un lien quelque part parce que je m'attendais un petit peu à ce qu'il pose la question. En fait, Newiz a rediffusé une conférence TEDx en direct de Paris la semaine dernière. Et Manuel de Newiz, donc la radio qui nous héberge, était community manager pour cet event et un des intervenants, une intervenante, pardon, a parlé de permaculture. C'est un concept qui ressemble à l'agriculture intégrée, mais qui en plus se veut plus holistique. C'est-à-dire qu'il y a une dimension systémique derrière qui considère les exploitations comme un système qu'on doit traiter avec une certaine éthique. Il y a un côté, enfin une dimension spirituelle en fait qu'il n'y a pas dans l'agriculture intégrée. De ce que j'ai pu comprendre, au bout du compte, je pense que les résultats sont un peu les mêmes, quoi. Il s'agit de se poser les bonnes questions en fait avant de foncer tête baissée dans une agriculture intensive, mais sans non plus se limiter comme on le fait en bio. Maintenant, j'ai un petit doute concernant le bio, justement. Je ne me rappelle plus si finalement en permaculture on se permet d'utiliser des intrants chimiques ou pas du tout. Il faudrait que je vérifie. Mais bon, il y a une page Wikipédia si jamais pour celles et ceux que ça intéresse. Tapez juste permaculture dans Wikipédia, puis vous aurez toutes les informations. C'est assez marrant parce que je viens d'aller le voir et c'est en haut, c'est marqué en gros cet article doit être recyclé. Excellent. Donc je pense que ça démontre les limites de cette approche qui est pas forcément idiote en elle-même, mais qui a peut-être des limites de par justement une approche peut-être un peu trop à la fois éthique, enfin. Ouais, trop éthique, je pense pas qu'on puisse Enfin, être pas trop éthique, trop éthique. mais enfin avec une spiritualité derrière. Ouais, c'est Enfin, je ça, sais pas, après exactement. j'ai pas Ouais. croisé. Mais... voilà. Et Mais pardon, ouais, j'allais dire, j'ai une question, enfin, je sais pas si t'as fini, Hélène. Ouais, non, vas-y. J'ai une question, bon, elle sera peut-être un peu bête, mais est-ce qu'il n'y a pas une solution envisageable au niveau des OGM? Bah, le problème des OGM, c'est qu'il y a pas mal de croyances aussi derrière. On a une attitude en Europe, en tout cas, très conservatrice par rapport aux OGM. En gros, ça fait peur, quoi. En Amérique, il y a moins cette attitude-là. Pourquoi ça fait. On entend toutes sortes de trucs. Moi, j'ai choisi délibérément de ne pas en parler dans ce dossier pour pas qu'on parte sur un débat qui est pas forcément celui que je voulais avoir ce soir, mais disons je pense qu'on a un rapport qui est pas très sain à la problématique des OGM. Il y a beaucoup de croyances, il y a beaucoup de peurs, on réfléchit pas beaucoup, et c'est dommage. Déjà, il y a un gros problème avec le OGM, c'est qu'il y a dedans le mot génétiquement modifié, quoi, qui fait peur, quoi. Ouais, mais tous les organismes sont génétiquement modifiés, je veux dire. On est des gros trucs, mais génétiquement modifiés, quoi. On a des bouts de Ouais. virus dans notre ADN, voilà, enfin, Mais c'est voilà, comme on faut. disait tout à l'heure, ça fait partie de ces mots, ce vocabulaire qui soit fait peur, soit rassure, et pourtant, voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais. Le magnifique épi de maïs tel qu'on le connaît, qu'il soit OGM ou pas, en fait, dans la nature, il n'existe pas. C'est le Non. fruit, c'est le fruit de sélection artificielle qui a été faite depuis 10 000 ans par les agriculteurs pour qu'on arrive à un beau machin comme ça, plein de grains très nourrissants. C'est sur le blog de Pierre Kerner que le Strange Stuff and Funky Things, saft.com, que j'avais vu une photo d'épis de maïs naturel. C'est juste terrible, quoi. Il n'y a pas T'as grand deux chose à grands. manger. Ouais, c'est ça, y a rien à bouffer Ouais, ça dessus. fait peine, Ouais, donc on a toujours cette image que naturel c'est mieux, mais c'est pas vrai. Ouais, c'est pas vrai. Ce qu'on considère aujourd'hui comme étant naturel, c'est déjà le fruit de manipulation. Alors, ok, on n'allait pas directement dans le gnome à l'époque, ça prenait plus de temps, mais le résultat était exactement le même. Ah oui, puis le but était le même, c'était de modifier le génome. À l'époque, on savait pas que c'était le génome, mais c'est ça. Mais ça rejoint la news que j'avais dit la semaine dernière, où les chercheurs ont commencé par identifier le gène, et au lieu de l'introduire avec une méthode OGM, ils l'ont introduit avec les croisements, quoi, comme on faisait avant. C'est-à-dire qu'ils avaient la caractéristique qui les intéressait. Bon, là, en plus, ils savaient quel gène c'était, mais ils l'ont introduit dans le blé par croisement. Ouais, Donc ça montre comme bien Mendel que. avec ses pois de senteur à l'époque. Finalement, on est revenu aux bonnes vieilles Bah méthodes des pionniers de ça la marche science. toujours. Bah ouais, non, ça marche Vraiment, toujours, bien ça sûr. marche toujours. Ouais. Alors Non. après. Moi, je dis pas que les détracteurs des OGM sont des fous furieux. Je pense qu'il y a aussi de bonnes raisons de s'inquiéter, d'être critique, de se demander qui sont les multinationales derrière, qui gagnent du fric avec, enfin, quelles sont les limites, quoi. Il y a énormément de questions éthiques qui doivent entrer en ligne de compte, qui n'ont pas forcément été considérées par les acteurs, de la discipline. Et puis, du coup, ça dégénère, quoi. On part dans des trucs complètement irrationnels. Ouais, non, mais d'ailleurs, sur les multinationales, en fait, c'est un des problèmes pour moi des OGM, parce que j'ai quand même un peu regardé les choses. Et en fait, c'est ça, c'est que la plupart des OGM sont développés par Monsanto, hein, faut dire les choses comme elles sont. Et Monsanto, son but n'est pas de nourrir le monde, voilà, le but c'est de se faire de l'argent. Donc pour l'instant, il fait pas encore, il a beau dire les OGM, ça fera des plantes qui pourront pousser sans eau, enfin ou avec très peu d'eau, ou des choses comme ça. Effectivement, c'est possible, puisqu'on connaît un certain nombre de gènes où on est capable de les connaître, qui permettent de pousser là où il y a du sel, de limiter la nécessité en eau, enfin. Mais elles sont, enfin, à ma connaissance, c'est pas vraiment ce qui est développé à l'heure actuelle. Et c'est vrai que, bon, quand on, moi, c'est toujours à ça que je pense, quand on voit les champs même des chercheurs en Europe qui sont arrachés, bah ouais, mais enfin, moi, il y a un moment où, si on veut pas que ça soit que des entreprises privées qui fassent des OGM, faut laisser les chercheurs. Après, il y a d'autres questions, effectivement, derrière sur les OGM. Et l'environnement, mais c'est pas forcément celles qui sont plus posées d'ailleurs. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. On est dans des croyances, en fait, dans des opinions, des pour et contre, mais les vraies questions, celles que t'évoques là, comment est-ce qu'on peut faire concurrence à des multinationales? Quel est l'agenda des multinationales qui sont derrière? Mais ces questions-là, on se les pose pas des masses. On en revient à la question de la brevetabilité du vivant aussi, qui est une question éthique fondamentale. qu'on n'aborde pas beaucoup non plus. Les OGM, c'est mal. ça m'embête un peu, quoi. Je trouve le discours stérile. Non, souvent, c'est mal. On va être tous malades à cause des OGM. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors qu'en fait, quand on discute avec des scientifiques qui ne sont pas forcément pour, hein, c'est assez marrant d'ailleurs. Ça dépend de leur spécialité, les pour et les contre. Et voilà, il y a d'autres questions qui sont plus environnementales et qui sont besoin d'être posées. Et voilà quoi. Mais ce qu'on voit des OGM, c'est le maïs Monsanto et le coton en Inde. Voilà. Bon, alors le coton en Inde pose des questions très précises aussi sociétales. Mais qui est aussi encore la brevetabilité du vivant, puisque la question c'est payer tous les ans ses semences et les produits, enfin justement, Monsanto verrouille complètement la filière. Et puis le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'acteurs dans cette filière font qu'en plus de tous ces problèmes-là, on se retrouve avec un problème de monoculture, un problème d'absence de biodiversité. Ces plantes OGM-là sont optimisées pour un certain contexte. Il suffit que n'importe quoi arrive, un nouveau parasite, un nouveau virus ou quelque chose, et finalement, on n'a plus de sélection naturelle possible parce qu'on n'a plus de variété possible. Enfin, on n'a plus de variété existante. On a juste un truc qui est imposé partout, le même, qui passe ou qui casse, quoi. Mais... Et donc, si tu veux... Ouais, si tu veux, Alan, une fois, moi, je veux bien faire un dossier sur les OGM et prendre un peu plus de temps de discuter. Bah, volontiers. Ça. Volontiers. C'est une excellente initiative. Appréciée par le chef, d'ailleurs, t'auras un bon point. Ça sera peut-être l'occasion de faire un bon débat là-dessus. Absolument. Ouais, ouais, il y a de quoi débattre. Yep. Marco, on enchaîne ? Ouais, on va enchaîner, parce que le temps passe. On va passer à... Toi, Hélène, à ta chronique. Ouais. Bah, jusqu'à ce matin, je pensais pas en faire une cette semaine. Et puis, en fait, j'ai découvert que sortait un film aujourd'hui. Enfin, tous les mercredis, il y a des films qui sortent. Mais celui-là, j'ai failli passer à côté et j'ai vraiment, je me suis mordu les doigts de l'avoir vu. Donc, il sort aujourd'hui en France, en Suisse et en Belgique. Mais s'il y a des Québécois qui nous écoutent, il va falloir qu'ils attendent encore un mois pour le voir. Et il s'agit de Pirates, bon à rien, mauvais en tout. Alors, je vous avoue, le titre, ça donne pas forcément envie. Enfin, on se dit, voilà, bon, ça a l'air d'être un film de pirates. Bon, faut savoir que c'est quand même par ceux qui ont fait Chicken Run et voilà, c'est Gros Mythe. Donc, c'est de l'animation en pâte à modeler. Ce qui est déjà très sympathique. Et en plus, le titre anglais est quand même nettement plus explicite pour ce qui nous intéresse. C'est The Pirates, An Adventure with Scientists. Donc, ouais. Ça donne les pirates une aventure avec les scientifiques. Donc, pour le pitch, malgré son enthousiasme, le capitaine pirate a beaucoup de mal à se faire passer pour une terreur des mers. Secondé par un équipage aussi peu doué que lui, le capitaine rêve pourtant de battre ses rivaux, Black Bellamy et Liz la faucheuse, en remportant le prestigieux prix du pirate de l'année. Pour le capitaine et son drôle d'équipage, c'est le début d'une incroyable odyssée qui, des rivages de Blood Island jusqu'aux rues embrumées de Londres, va les conduire d'épreuves en rencontre. S'ils vont faire équipe avec un jeune scientifique du nom de Charles Darwin, ils vont aussi devoir affronter 1000 dangers et tenter de survivre à la reine Victoria qui voue une haine absolue aux pirates. En avant pour l'aventure. Donc oui, c'est un film pour enfants qui est donc accessible dès 6 à 7 ans. Excellent. Et qui a de très bonnes critiques. Donc en fait, moi je le prends comme ça, c'est une très bonne occasion d'aller le voir en famille et de pouvoir parler à ces chères têtes blondes de ce grand scientifique qu'est Charles Darwin. Et comme on parle régulièrement d'évolution, je ne vais pas revenir sur sa théorie, mais je vais plutôt faire une rapide biographie, puisque ça n'a pas été fait. On n'a jamais fait de biographie de Darwin. Il me semble pas, non. On Ah, t'as en a raison, c'est parlé, vrai. mais Non, pas ouais, avec un de. petit sujet, ouais, un petit sujet vite fait, mais sans évoquer NBA ou un Sans truc comme ça, tu évoquer toute la vie. Bon, après, il y a des grands. Enfin, je pense qu'il y a quand même un certain nombre de passages qui sont connus. C'est pas non plus. Je pense que vous n'allez pas découvrir grand-chose. Enfin, un petit peu quand même, mais pas forcément non plus des choses extraordinaires. Donc, il est né en 1809. Il est le petit-fils d'un autre naturaliste nommé Darwin. D'être moins célèbre, mais qui a quand même fait un certain nombre de choses, qui est Erasmus Darwin. Donc en fait, il commence des études de médecine à l'université d'Édimbourg en 1800. J'ai dû me tromper. En 1826, je crois. Et il se tourne rapidement en fait, vers le naturalisme parce que l'étude de la chirurgie le dégoûte un peu et donc il préfère les cours. De ce qu'on appelait à l'époque le naturalisme, enfin, donc tout ce qui est étude de la systématique du vivant. Devant le manque de résultats de ses études en médecine, hein, parce que forcément on va pas étudier la chirurgie, mais plutôt les plantes et les animaux, on finit pas médecin, son père l'inscrit à Cambridge pour qu'il devienne pasteur, donc en 1827. Mais encore une fois, il a tendance à plutôt négliger ses études, bien que, au final, il tombe, enfin, il tombe passionné par le naturalisme théologique de Paley. Et donc, en fait, toujours est-il qu'il a continué ses études de naturalisme, il a étudié la géologie, la systématique, voilà. Et donc tout ça le mène à embarquer en décembre 1831 sur le Beagle comme naturaliste. Donc c'est un voyage expéditionnaire, enfin c'est une expédition scientifique qui a pour but de cartographier. Je te coupe juste un instant, je crois qu'il n'est pas engagé comme naturaliste à la base. À la En base, fait, si. il est engagé comme compagnon de voyage Ben de moi Paddle, en aussi, fait, c'est pour je lui. croyais que c'était ça. Et Parce qu'il y avait un autre apparemment, c'est naturaliste, en quand fait. même comme naturaliste non payé. Enfin, c'est les deux en fait. Enfin, je Pendant le pense que c'est un peu voyage, les il deux. devient après il devient pendant le voyage naturaliste officiel, mais au début il est pas, il est engagé comme compagnon de voyage par Fitzroy, en fait, le capitaine, parce que son père, le père de Fitzroy, en fait, avait été aussi capitaine de bateau. Il s'était suicidé à cause de la solitude et tout, et donc Fitzroy avait peur de lui aussi de suicider pareil, donc il voulait engager quelqu'un pour lui tenir compagnie. Ouais, bah moi j'ai enfin j'ai ce que je croyais aussi et puis j'ai lu que apparemment c'est quand même il était aussi il y avait une partie déjà naturaliste. Enfin, c'est en tant que naturaliste qu'il a eu le poste. Alors après voilà, est-ce que c'était le poste était complètement naturaliste ou pas enfin. Et bon et bien que celui qui l'appuyait disait qu'il était pas il avait pas fini sa formation de naturaliste. Donc, le Beagle fait une expédition scientifique quand même de cartographie de l'Amérique du Sud et normalement part pour 2 ans, mais le voyage dure 5 ans et il fait un peu le tour de la Terre. Donc, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que, ok, il embarque sur le Beagle, mais il passe le 2/3 de son temps pendant ces 5 ans à terre et il a décrit de nombreuses plantes, de nombreux animaux et de fossiles très précisément. Il fait régulièrement des envois vers l'Angleterre. Et c'est avec ça qu'il se construit une réputation de naturaliste dans les cercles scientifiques anglais. Et il en tirera un livre en 1838, Le voyage du Beagle. Donc, si ce voyage est important dans la vie de Darwin, c'est que déjà ça lui permet de trouver sa voie et donc de se poser comme naturaliste. Et puis surtout, c'est que c'est le début de sa grande réflexion qui prendra un peu toute sa vie, même si dès 1838, il a déjà son idée de la théorie de la sélection naturelle. Parce qu'on n'en rappellera jamais assez, ce n'est pas l'évolution qui l'a posée, c'est juste la sélection naturelle, vu que l'idée d'espèces évolutives était déjà un petit peu dans l'air. C'est vrai, je crois que le mot évolution n'est même pas cité dans le Ouais, régime non, des c'est espèces. pas. Ouais. Il n'en parle pas. Non, mais c'est comme sur le dossier, que le premier dossier que j'avais fait sur l'évolution, c'est ça, c'est que il détestait ce mot même, parce que évolution déjà était déjà pris à l'époque pour une autre théorie. Et puis dans l'évolution, il y a une connotation de progrès, quoi, qui voulait à tout prix éviter, quoi. Oui, non, mais c'est effectivement, mais donc c'est voilà, c'est la théorie, c'est la sélection naturelle. Et donc, en fait, il se rend compte très très vite que la réaction de ses contemporains risque d'être un petit peu houleuse. Et donc, en fait, il essaye d'amasser le plus d'arguments et le plus d'exemples possible pour vraiment appuyer et avoir quelque chose de béton quand il le présentera. Et donc à ce moment-là aussi, il développe une maladie. Alors, on sait pas très bien quelle maladie. C'est une maladie chronique qui l'oblige à se reposer. Et donc, il quitte Londres et se marie avec sa cousine en 1839. À la même époque, il est quand même élu membre de la société, de la Royal Society. Donc, ça montre qu'il est quand même réellement reconnu comme naturaliste. Voilà, c'est quand même. C'est pas juste. Voilà, il a fait son petit voyage, puis après il est allé à la campagne. Hein. Il est reconnu dans le milieu. Donc pendant 20 ans, après 1839, il approfondit sa théorie, il en discute avec d'autres scientifiques tels que Lyell ou Huxley, et qui vont être de très précieux soutiens après la publication de son livre sur l'origine des espèces. Mais en fait, tout se précipite fin 1857, début 1858, quand un jeune naturaliste lui écrit depuis le fin fond de la forêt malaisienne et lui demande son opinion sur son article. Donc, Wallace, c'est ça. il s'appelle d'Alfred Russel Wallace et qui fait une hypothèse très proche de celle de Darwin. Il y a quand même quelques petites différences dans la vision. Au début de Wallace sur la sélection naturelle par rapport à Darwin, mais essentiellement tout est là. Donc, sous la pression de ses amis, parce que Darwin s'est dit, oh bah voilà, c'est fichu, il y a quelqu'un d'autre qui a la même idée que moi, je finirai jamais mon livre, voilà. Donc, ses amis, ouais, enfin, ça fait qu'ils lui disent, ça fait juste 20 ans que tu as l'idée, donc c'est un peu ton idée à toi, et vont le pousser à publier son livre et donc à le finir, puisqu'en fait, en 1858, il était à la moitié de la rédaction. Donc, il sortira en novembre 1859. C'est un succès immédiat auprès du grand public. Et parce qu'en fait, ça fait assez peu d'histoire dans les milieux scientifiques parce que l'idée, elle est déjà là. Lui, il en a déjà parlé à ses amis proches. Il y a tous les travaux qui ont déjà été faits avant, comme Lamarck, enfin, il y en a d'autres. Enfin, donc, il y a quand même déjà un peu l'idée que les espèces sont pas forcément fixes dans le temps. Donc, la société, enfin, les scientifiques, ça passe très bien. Il y en a même qui disent, au moment où on parle de ça, il n'y a pas de grandes nouveautés. Donc voilà. Mais il y a le grand public là qui ça va réagir. Et en particulier, ce qui est assez rigolo ou bizarre, ça réagit sur la parenté entre l'homme et le singe. Or, Darwin a bien fait attention dans son livre de l'origine des espèces, il ne parle pas du tout de l'homme. Et il dit pas franchement que l'homme descend du singe. Il doit avoir par exemple une phrase où il dit qu'effectivement l'homme est un animal comme les autres. Donc bon, voilà. Et c'est aussi d'autant plus bizarre puisque l'idée n'est pas nouvelle, Lamarck l'a déjà présentée. Donc, bon, voilà pourquoi ça ressort à ce moment-là. Darwin lui présentera exactement, enfin, justement, le lien homme-singe dans son livre suivant, 1871, La filiation de l'homme et la sélection liée au sexe. Et là, il présentera la sélection sexuelle, donc le fait que les partenaires se choisissent, donc il peut y avoir des sélections sur des caractères autres que juste la survie. Et il va aller un peu plus loin avec la psychologie évolutive en 1872, avec l'expression des émotions chez l'homme et les animaux. Donc ça, c'est les trois principaux livres qu'il a écrit et il mourra en 1882. Donc voilà la vie de ce brave Charles Ok, Darwin. bah ça c'est fait, voilà. Je voulais juste rajouter, si vous avez envie de parler de Darwin avec des adultes et que vous voulez un film un petit qui fasse un peu plus sérieux. Il existe un biopic sur la vie de Darwin et qui est assez intéressant, mais il ne s'appréhende pas la sélection naturelle, enfin pas plus que ça. C'est plus sur son questionnement, sur sa croyance religieuse, parce qu'il était quand même très religieux au départ. Hein, il a failli être pasteur. Bah, d'ailleurs, avant son départ, il avait l'intention quand il reviendrait de son voyage, il avait l'intention de devenir curé de campagne. Oui, oui, c'est ça. Il était au départ très croyant et pendant ses 20 ans de réflexion, il s'est dit, la sélection naturelle et puis le dieu créateur, ça marche pas très bien, quoi. Et puis en plus, il y a eu quelques drames familiaux qui n'ont pas arrangé la chose. Et donc tout ça, c'est assez bien présenté dans le film de John Amiel, Création, avec Paul Bettany et Jennifer Connelly. Et qui, alors, il est sorti au cinéma, enfin, apparemment dans quelques salles, sous le titre de Création, et en DVD, il est sous le titre de Au commencement, j'ai pas compris, mais bon, ça c'est édition française. Le film D'accord. a changé de nom entre les deux. Création, c'est limite provocateur comme titre, c'est marrant. Ouais, ouais, mais parce que justement, il y a vraiment cette question, enfin, ça tourne vraiment autour de du questionnement de sa croyance religieuse et de sa théorie qui vient complètement bousculer cette vision-là. Et voilà, c'est vrai que j'ai lu pas mal de critiques de ce film qui dit ouais, pas terrible, machin, et en fait, c'est parce que. C'est vrai que si tu t'attends à avoir toute la vie de Darwin avec son voyage sur le Beagle, sa grande idée de la sélection naturelle, t'es un peu déçu parce que non, c'est Darwin malade chez lui, qui a du mal à se remettre de la mort de sa fille et qui se pose des questions sur toutes les implications religieuses de sa théorie, quoi. Ouais, c'est vachement intéressant. Mais c'est intéressant. Un biopic. Un biopic, non, c'est une. C'est quoi, un biopic, c'est une biographie en film. D'accord, c'est la première fois de ma vie que j'entends ça. Je me sens vieux. C'est une contraction de biographie picture. Ouais. C'est okay. Le terme consacré dans le domaine du cinéma. Je serais moins bête. Il faudra que je m'arrange pour mourir un mercredi soir ou un jeudi matin. Et toujours plus intelligent. Eh ben, écoute, excellent, merci beaucoup. De rien. Top. Marco, qu'est-ce qu'on a encore dans les tuyaux ? J'allais juste rajouter une petite anecdote sur Darwin, c'est que quand il est né donc le 12 février 1809 et il est né le même jour que Abraham Lincoln, voilà. Oui. C'est pas un hasard. Certains diront ça, ouais, peut-être. voilà, bon ben bah, écoute, merci Hélène. On va enchaîner qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben, on va passer aux cotes. Ouais. Je crois que tu avais une cote, Hélène, à nous citer. Donc, c'est de Confucius. Hein. Je pense que. Je ne sais pas si j'ai besoin de présenter qui est Confucius. Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson. Voilà, pour revenir sur le thème. C'était lié à la faim dans le monde. Voilà. Mieux vaut lui apprendre à... Ouais, enfin... Ouais, alors, je sais pas, en fait. Parce que, tu vois, tu lui apprends à pêcher et puis il se retrouve avec, avec des bateaux cargo. Comment est-ce qu'on appelle ce machin-là? Ouais, c'est ça. Finalement, ouais, ça bah après, tu peux lui apprendre... un poisson. Ouais, mais si tu apprends à pêcher correctement en faisant attention à son environnement, en faisant justement de la pêche intégrée... Ouais, peut-être, t'as raison. Tu lui apprends à pêcher, il te vide l'océan, c'est ça? Ouais, c'est un peu mon constat, plein de dépit et d'amertume. Non, mais c'est bien. Marco, je crois que t'avais une côte aussi. Hein. Oh oui, une petite côte. Bon, c'est ouais, t'oses plus la faire, tu te dégonfles. Avec une petite touche d'humour, allez, pour finir. Parce que c'est une côte, en fait, de Ruquier. Ouais, alors, évidemment. Ruquier. Voilà, il fait donc, pas partie des références habituelles du podcast. Non, mais bon, donc en fait, sa quote, c'est « Avec toutes les saloperies qu'il y a dans l'alimentation, heureusement qu'il nous reste l'alcool pour oublier qu'on mange. » Voilà. Bon, ok. J'ai pas de commentaires à faire là-dessus. Voilà, c'était pour rajouter une petite dose d'humour. Yep. Voilà, pour dire que tout n'est pas noir. Ouais, Excellent. on fait juste un point sur l'émission de la semaine prochaine. Ouais, on a un petit peu Ouais. oublié de faire nos devoirs là, on n'a pas préparé de pitch. En fait, on va pas vraiment préparer d'émission non plus la semaine prochaine, c'est un petit peu pour ça. Qui c'est qui en parle? Marco, on avait dit? Ouais, pourquoi pas, ben, la semaine prochaine, bon, on sera le 4 avril. Alors, on sera pas le 1er avril, mais on va faire quand même une émission spéciale pour le 1er avril. Donc, on préparera des news avec certaines qui seront vraies, d'autres qui seront totalement inventées ou trafiquées. Et puis, ben, le but sera de trouver quelles sont les bonnes et quelles sont les fakes. Ouais, c'est ce qu'on avait déjà fait l'année passée en fait, et puis on Ouais. s'est rendu compte que c'est super difficile. On a plein d'auditeurs qui ont joué le jeu, on avait assorti ça à un concours, ce qu'on va certainement faire cette fois aussi. Et ouais, je me rappelle qu'il y en a qui avaient dû pas mal bosser en fait pour retrouver les sources. Et c'était beaucoup plus difficile que ça en avait l'air comme exercice. Comme quoi, quand on entend quelque chose qui a l'air scientifique comme ça, qui a l'air documenté, qui a l'air de venir de sources fiables, ben on a un petit peu tendance à y croire, quoi. Et c'est vraiment du boulot, quoi, que d'aller vérifier systématiquement si c'est juste ou pas. Donc voilà, je pense qu'on va faire un petit peu bosser les poditeurs, mais pas trop non plus, on va rester sympa. Et Ouais, c'est une bonne puis idée, on va bien s'amuser. ouais, ça va être sympa, on va essayer d'en trouver un peu des bois bien pointus là pour que ça soit difficile quand même. Exactement. Et puis on passera également à l'antenne le témoignage de Christine qui justement avait participé au concours l'année dernière et qui l'avait gagné. Elle avait gagné un livre. Et puis elle viendra nous en dire un mot. C'est un livre qu'elle a beaucoup aimé. Elle avait envie de partager son sentiment là-dessus. Et puis c'est intéressant, quoi. Je me réjouis de l'entendre. Donc on en reste là pour cette semaine? Ok, ben on a tout bon alors. Bien, Excellent. ben alors voilà, ben le moment est venu de souhaiter une bonne soirée à tout le monde. Bonne fin de soirée plutôt même, Bonne si vous l'avez soirée, bonne entamé. fin de soirée, ouais. Bonne fin de Bonne fin de soirée. match pour. Je sais pas, le match est fini ou. Ah, j'ai éteint, il y a eu un but pour le Bayern, j'ai éteint. Alors, pas bonne fin de match, sauf aux supporters du Bayern. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Alors, bonne semaine. Ciao, ciao. Bonne semaine, ciao! Salut, à bientôt!